Vous rêvez de visiter Paris, la plus belle ville du monde, mais vous avez peur d'entrer en territoire hostile et que votre séjour ne tourne au cauchemar. La nouvelle application OK Poodle est faite pour vous. Hi, do you know where is La Tour Eiffel? Mais j'en ai rien à foutre, gros compte touriste. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'humeur à vous répondre. Je suis malheureusement en retard pour mon travail. Bonne journée. Grâce à son détecteur d'arrogance et d'analyse de conneries, l'application OK Poodle traduit pour vous la réponse du Parisien de façon polie et attentionnée. Qu'est-ce que je vous sers ? Je prendrai un café, s'il vous plaît. Allez, encore un connard qui veut juste un café, j'ai que ça à foutre, moi. Mais bien sûr, cher monsieur, c'est avec plaisir que je vais vous délester de 4 euros. Mais j'aurais aimé vous soutirer davantage. Doté d'une intelligence artificielle élaborée en partenariat avec la mairie de Paris sur le schéma neuronal de Nicolas Sarkozy, l'application OK Poodle vous indique les véritables sentiments du Parisien à votre encontre. Excuse me, vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Casse-toi, pauvre con. Attention, quelques bugs sont encore présents sur les précédentes versions. Il est conseillé d'acheter le dernier Poodle Phone. Visitez Paris en toute tranquillité avec Poodle Life.